Ouais, Sista, je sais dédicacer pour toi. Ouh yeah. T'as beau être le maître le plus cool du monde, mais face à une telle injustice, tu deviendras ouf comme tout le monde. Regarde ce que le système t'inflige. Qu'est-ce que tu vas faire si un jour ta sœur se retrouve enceinte à 16 piges? Tout commence dans une ambiance tranquille où la plupart du temps les jeunes se connaissent. Plus une heure ou deux, y'a maladresse, une main qui part aux fesses de la gonzesse. Faut faire attention à ta réputation, car les provocations, ça donne des pulsions à tous les garçons. Mon nom avec moi, je ramène chez moi. Mon fichage physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Mon nom avec moi, je ramène chez moi. Mon fichage physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Mon nom avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Mon nom avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Sista, t'es grande, donc respecte-toi. Réfléchis à deux fois. Et parfois, le ghetto est rempli de loups dont tu es la proie. N'aie confiance qu'en toi, tu n'as besoin de personne. Les profiteurs sont là, tu sais, je connais les hommes. Fais ta vie, suis tes passions, pas celle de ton bonhomme. Faut vivre avec son bonheur, pas celui qu'un autre forme. J'aimerais que tu montes ta vie au-dessus de mon quotidien. Que tu déchires les études, que tu trouves le bon chemin. Que tu gardes ton sourire quand tu ouvres le parchemin. Que tu gères ton avenir quand tu découvres le lendemain. Et si tu grandis et les vices courent derrière toi, avance vers un monde meilleur et ne te retourne pas. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Les mots qu'on pleurait pour toi, ma plume, ont alourdi mon cœur plus qu'une enclume. J'espère de ce morceau, tu seras auditrice et lectrice de cette génération qu'a le dos tourné vers le vice. Femme, ne sois pas impatiente de rencontrer la passion. N'offre pas ton fruit à n'importe quel passant. Je crois que ça sera mieux comme ça, non? Et t'auras moins de peine. Mais comment t'aurais pu assumer avec la vie que tu menais? Pour toutes nos sisters. Tu sais, tu l'avoues pas? Le son pour les sisters, c'est ça. Celui-là kiffe ça. Appelle-moi Corona Sista. Demande à mon pote, appelle-le Mista. Écoute bien ça. Freestyle, mannequin, Corona Style. Mise tout sur ça. Écoute bien ça. Freestyle, mannequin, Corona Style. Sista, Sista. Sista, Sista. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je te le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je te le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je te le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je te le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je te le dis. Pour que les filles viennent dans mon lit. Monte avec moi, je ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont je te le dis, pour que les filles monte avec moi, je te ramène chez moi. Official physical, c'est moi. Tous les moyens sont bons, je te le dis. Ok, t'es mon style, qu'on a style. Manu style, comme ça style. Oh, oh, sister. Thank you.